Abel et Caïn. Race d'Abel, dors, bois et mange, Dieu te sourit complaisamment. Race de Caïn, dans la fange, rampe et meurt misérablement. Race d'Abel, ton sacrifice flatte le nez du séraphin. Race de Caïn, ton supplice aura-t-il jamais une fin? Race d'Abel, vois tes semailles et ton bétail venir à bien. Race de Caïn, tes entrailles hurlent la faim comme un vieux chien. Race d'Abel, chauffe ton ventre à ton foyer patriarcal. Race de Caïn, dans ton antre tremble de froid, pauvre chacal. Race d'Abel, aime et pullule, ton or fait aussi des petits. Race de Caïn, cœur qui brûle, prends garde à ses grands appétits. Race d'Abel, tu crois et broutes comme les punaises des bois. Race de Caïn, sur les routes traîne ta famille aux abois. 2. Ah, race d'Abel, ta charogne engraissera le sol fumant. Race de Caïn, ta besogne n'est pas faite suffisamment. Race d'Abel, voici ta honte, le fer est vaincu par les pieux. Race de Caïn, au ciel monte, et sur la terre jette Dieu.